un homme à qui vient de tomber sur la tête une tuile du palais des rêves. C'était là, Gwynplaine. Le shérif, s'adressant au supplicié, poursuivit. Hardquanonne, au terme de la loi, vous allez être dégagé de ces entraves et remis au bon plaisir de Sa Majesté pour être pendu. Hardquanonne, dit le shérif, levez-vous. Le patient ne remua point. Le médecin s'approcha et dit, il est mort. Le shérif, regardant Gwynplaine en face, lui dit, vous êtes Fermain Clancharlie, baron Clancharlie et Dunkerville, mari de Corléon en Sicile, père d'Angleterre, et que Dieu garde votre seigneurie. Il salua. Ah, ça ! Cria Gwynplaine. Réveillez-moi ! Un homme sortit derrière un des piliers. Gwynplaine murmura. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Cela veut dire, milord, répondit le gros homme, que je m'appelle Barkilphedro, que je suis officier de l'amirauté, que la gourde de Harquanonne a été trouvée au bord de la mer, qu'elle m'a été apportée pour être décachetée par moi. Et cela veut dire que vous avez 1 million de rentes. Cela veut dire que vous êtes lord du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, législateur et juge, juge suprême, législateur souverain, vêtu de la pourpre de l'hermine, égal aux princes, semblable aux empereurs, que vous avez sur la tête la couronne de père et que vous allez épouser une duchesse, fille d'un roi. Sous cette transfiguration, croulant sur lui à coups de tonnerre, Gwynplaine s'évanouit.